Voilà, ici on va écouter une seule chanson de cet album, mais comme je le disais avant celle-ci, vous pouvez retrouver toutes ces chansons sur YouTube, sur Bandcamp et puis sur toutes les autres plateformes habituelles, Spotify, Deezer, Apple, etc. Voilà, merci encore d'avoir écouté cet album. N'hésitez pas à suivre Boisson Divine sur tous leurs réseaux, ils préparent pas mal de choses. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.